The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. No. Savoir. Forbidden. Interdit. Park. Le parc. Not doing anything bad. Ne rien faire de mal. Exit. La sortie. Clean. Propre. To move along. Dégager. Fault. La faute. Now, a bit faster. Not doing anything bad. Ne rien faire de mal. Exit. La sortie. Fault. La faute. Forbidden. Interdit. Park. Le parc. Forbidden. Interdit. Fault. La faute. Clean. Propre. Forbidden. Interdit. Park. Le parc. To move along. Dégager. Forbidden. Interdit. Park. Le parc. Clean. Propre. To move along. Dégager. Now, use the words in context. Interdit. It's forbidden to talk during the conference. Il est interdit de parler pendant la conférence. Savoir. They all know how to speak French. Ils savent tous parler français. Ne rien faire de mal. I haven't done anything bad. Je n'ai rien fait de mal. La sortie. I'm looking for the exit. Je cherche la sortie. La faute. It's my fault if we're late. C'est ma faute si nous sommes en retard. Savoir. They all know how to speak French. Ils savent tous parler français.